avec son cousin Lino. Tous les deux faisaient partie du Bisson à Bisson. Parce qu'ils étaient ceux qui pouvaient choper des meufs en l'eau. Chacun de ses pas était synonyme de cadeau. Lino, un véritable escroc. Trafic de lingots, trafiquait même les mots à mauvais. Quel mot qu'on aimerait maudire. Et dire aux parents que Bisson c'était pas du plutôt. Les jaloux ne pouvaient même pas leur tourner le dos. Ce groupe était tellement fort qu'ils créèrent une de mots. L'Altesse, le double S. Et le poisson c'était chaud. Balancez votre code, tous les décos. Queso, à la vue de la bombe au sousseau. Dans le village, ils traînaient contre ce saut. Un véritable gang congolais. Aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées hauts. Bisson, Bisson.